Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Je l'ai intitulée, vous avez dit, biodiversité. Ça y est, l'opinion publique semble s'émouvoir de la disparition des espèces. Après la lutte contre le réchauffement climatique, voici la préservation de la biodiversité. Fort heureusement, les différentes associations ou scientifiques qui luttent pour la préservation de l'environnement, ou même certains partis politiques, dont les Verts, n'ont pas hésité à préconiser des mesures, y compris radicales, pour l'avenir de notre planète et surtout pour ceux qui y vivent. J'ai écouté attentivement une émission sur une radio du service public, avec un débat que j'ai trouvé certes intéressant, mais peu convaincant. En effet, l'un des intervenants insistait lourdement sur notre rôle de citoyen pour enrayer un processus qui devient plus qu'inquiétant. En effet, le nombre d'espèces vivant à la surface de la Terre se raréfie. Et des milliers d'espèces sont disparues ou en voie de disparition, pour ne citer que, dernièrement, le spécimen de rhinocéros blanc. Certes, les citoyens de ce pays et du monde doivent contribuer à préserver leur environnement, afin que leurs enfants, leurs petits-enfants et tous leurs descendants puissent encore vivre sur notre planète. Certes, tout un chacun peut, à son niveau, mettre en œuvre des gestes élémentaires pour préserver l'environnement et sa santé. Mais suffit-il de trier ses déchets, de consommer moins d'eau, moins de viande, de manger bio, de prendre des transports en commun, de sortir son vélo ou de faire ses courses ou se promener à pied pour sauver la planète? Ou plutôt, sauver ce qui vit sur la planète, dans l'espèce humaine? La question doit être posée, car notre planète en a vu d'autres au cours des âges. Elle n'a pas besoin de nous pour survivre aux dégâts que nous pouvons lui causer. Toujours est-il qu'au-delà de nos devoirs citoyens et notre prise de conscience, faudrait-il encore et surtout que ceux qui dirigent nos destins et prennent pour nous, et souvent contre nous, des décisions, ne fassent pas preuve d'hypocrisie en ménageant les grands prédateurs de l'environnement qui n'ont la plupart de perspectives que l'enrichissement de leurs actionnaires et la mainmise sur les richesses produites par les sols et les sous-sols de notre planète. Au-delà de ce que nous pouvons faire en qualité de citoyens par des gestes quotidiens, ne devons-nous pas nous préoccuper d'interpeller nos dirigeants pour des mesures concrètes pour empêcher la dégradation de notre environnement ou alors en changer de dirigeant bien entendu. Car enfin, la politique actuelle dans notre pays, mais aussi dans la plupart des pays, ne va pas dans le bon sens de la protection de l'environnement. Elle va plutôt dans le sens des multinationales et des groupes financiers qui se soucient comme d'une guigne du sort des habitants de cette planète. Sinon, pour faire prospérer toujours davantage leur business. Certes, nous avons un pouvoir, surtout en tant que consommateurs, mais ce pouvoir est limité dans un contexte de consommation de masse où un vaste marché international s'ouvre à nous, avec la tentation de manger des produits hors saison, comme des fraises en plein hiver, importés de l'autre bout du monde. Éduquer les consommateurs, boycotter les produits pollués par les pesticides et autres traitements des cultures est essentiel. Consommer local et bio, chaque fois que cela est possible, c'est aussi essentiel. Notre santé, et pourquoi pas notre porte-monnaie, s'en trouvera mieux. Pour autant, notre devoir de citoyen, c'est aussi de dénoncer l'hypocrisie de nos dirigeants, qui, par exemple, reconduisent l'utilisation du glyphosate, des nicotinoïdes, ces derniers qui tuent les insectes pollinisateurs, qui détruisent les services publics, toujours ces mêmes dirigeants, services publics de proximité, qui créent des structures administratives comme région, sans se préoccuper des besoins réels des citoyens, qui ont renoncé à mettre en place et promouvoir des transports en commun de qualité. Ce sont ces gens-là sont-ils dignes de confiance? Posons-nous la question. il y a en effet un risque majeur à ce que la prise de conscience et les progrès qui sont réalisés en matière d'environnement soient annihilés par, justement, par des pressions, par les pressions du pouvoir économique. Voilà, je vous laisse réfléchir, je vous laisse méditer un petit peu sur, par rapport à ma chronique, si vous le voulez bien, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.